Lantria. Pardonne-moi, Bill, hausse Katia dans l'embrassure de la porte. Mademoiselle Duclair vient d'arriver. J'avais entendu l'hélicoptère. Il était temps. Je saurais lire l'expression de ma secrétaire. Une certaine curiosité perce à travers son flegme habituel. Une sorte de fascination. Peut-être qu'elle n'a toujours pas compris ce que je suis. C'est aussi bien. Avec Katia quitte mes gardes du corps. Ils ont protesté. Mais qui signe leur chèque de paie, hein? Voilà. Puis je veux envoyer le bon message à mon oiseau rare. Elle arrive. Mon pouls s'accélère. Ma respiration aussi. Ça m'excite. Je savoure l'anticipation. Est-ce que tout est prêt? Ma suite trône au dernier étage du château. Un feu généreux crépite dans l'alcôve, répandant sa chaleur, son arôme délicieux dans le salon. Un autre plaisir archaïque. Un luminaire en cristal embrase la pièce délicatement, levant son contenu dans une caresse mielleuse. Les bibliothèques au vrai volume en papier, le divan au revêtement de cachemire et le tapis perse en dessous, aux motifs dorés et cramoisis. Un petit air de jazz émane comme une vapeur, avec la voix de velours d'une chanteuse de Chicago, les subtiles ponctuations d'une contrebasse. Bordée par deux rideaux de satin ocre, des portes vitrées, vénitiennes, s'ouvrent sur un balcon de marbre, offrant une vue imprenable sur la contrée nocturne, la forêt, le lac, la voie lactée. Puis, au beau milieu, ma table d'ébène, sculptée par un artiste néo-zélandais, avec son grain lustré, ses vrilles d'inspiration aborigène, très en vogue. Dessus, une bouteille de champagne dans un seau d'argent. Un Krug 1989. Deux coupes. Une feuille de papier. Le contrat. Une plume en or. Lancia ne cogne pas avant d'entrer. Pas d'avertissement. Elle entre, tout simplement, d'une grâce mortelle. Lancia. Sa peau de lait, satinée, et ses lèvres, ses paupières noires de mort, ses cheveux bleus comme le saphir, quelques bouclettes abyssales déferlant sur ses tempes. Quelque chose dans la façon dont elle marche, pas à pas, humiliant mon plancher. Sa seule présence me donne le vertige, le tournis, le syndrome de Stendhal. C'est l'ineffable splendeur de mon oiseau rare, une robe cocktail grise, au premier œil fade, d'une morne simplicité. Mais au second regard, voilà, l'invitante subtilité. La coupe légèrement asymétrique, rehaussant le dévoilement de ses cuisses à chaque pas. Puis, le tissu même, si mince qu'il révèle, presque impunément, qu'elle ne porte rien en dessous. La robe suit sa forme exquise parfaitement, sans être interrompue par la ligne d'un slip ni celle d'un soutien-gorge. Le tissu est à un fil de révéler ses secrets. Les trésors enfouis de sa peau. Il faut deviner. Je reste bouche bée. Peut-être une seconde de trop. Bill? Hausse-t-elle, déjà familière. Sa voix est douce comme la brise de la mer noire. Je me lève pour l'accueillir, lui serre la main, me présente. Enchantée. Des doigts de soie frôlent les miens. Je trépide. Elle sourit. Mon oiseau rare sourit. Des dents de perles, ses lèvres noires courbées délicatement pour moi. C'est le moment. Je lance ma ligne. Celle que j'ai conçue avec soin, répétée mille fois devant le miroir. C'est le haussement des sourcils, la peau calculée. Je suis content que tu aies répondu à mon offre. Nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble. J'en suis certain. » Lancia hoche la tête. Elle a vu le contrat sur la table. D'un seul moment, je pourrais jurer qu'elle a tout saisi. La supercherie, le prétexte, la fabrication. Lancia est si perspicace, si parfaite. Jusqu'au test, du moins. Oui, je dois bien lui faire passer des tests. Ça me lève le cœur, ça me répugne, vraiment. Malgré l'emballement, malgré son charme, je dois me contenir, m'assurer que mon oiseau rare n'est pas qu'une coquille vide, une façade, un joli minois dans une robe trop serrée. J'ai été déçue si souvent. « Tu me permets ?» demande Lancia simplement, pointant le balcon. « J'aimerais admirer la vue. » J'acquiesce, tout naturellement. Elle me dépasse, s'avance vers les portes vénitiennes. Une seconde, j'admire la lance finement tatouée sur sa nuque, ce fer à fleurs de peau. Au passage, sa fragrance vient m'ensorceler, sensuelle. Un cocktail synthétique, des arômes métalliques, polaires. Lorsque je verse deux verres de Krug, elle est déjà sur le marbre, sa blancheur livide dans la nuit. Une bourrasque fraîche m'accueille quand je franchis le seuil. Une lune croissante luit dans le ciel nocturne, envoyant ses feux danser à la surface du lac. « Quelle vue !» murmure-t-elle, humectant ses lèvres du nectar. « Maintenant, je pense, le premier test. »« C'est une chance !» je commence. L'époque est si cruelle parfois. Tu crois pas que tout le monde, que tout un chacun devrait pouvoir apprécier ce spectacle? Profiter d'un petit coin de paradis comme celui-là? Voilà. Quiconque veut me plaire acquiescera à tous mes faits et gestes, peu importe les conneries qui sortent de ma bouche. Lancia me regarde, incline la tête quelque peu. Non. Répond-elle froidement. Je crois que ce genre de plaisir doit être mérité et doit revenir à ceux qui sont assez bons, assez forts pour y arriver. Bill, précise-t-elle discrètement, c'est vraiment beau ici. Ça me peinerait de voir autant de pureté, de perfection, souillée par la racaille. À l'entendre, avec cette véracité, cette impétuosité, exactement comme les eaux glaciales de Längstligen en Suisse. J'arrive pas à masquer mon soulagement, mon sourire. Quel excellent début. Lancia, ma fleur impossible, mon fer de lance. Un toast alors, dis-je en levant mon verre. À la perfection.